1742, mise en scène et réinvention de l'histoire. Écoutez l'exemple de conversation entre X et Sido dans l'enregistrement. Pour l'histoire, nous allons choisir un jeune homme suédois très sympathique. Il va avoir 26 ans. Il va être très grand et très solide. Il va mesurer 1m90 ou 1m95. Il va être beaucoup plus grand que la jeune fille. Il ne va pas être gros, non, mais il ne va pas être mince non plus. Il va être costaud, très robuste. Il va peser 99 kilos. Il va avoir les épaules larges et carrées. Il va être blond. Il va avoir les cheveux plutôt longs. Quoi? Il ne va pas avoir de cheveux? Bon, d'accord, il ne va pas avoir de cheveux. Il va avoir l'air très distingué, sans cheveux. Il ne va pas avoir de cheveux, mais il va avoir une barbe courte. Une grande barbe? Non. Une grande barbe, ça ne va pas pour faire du sport. Parce qu'il va faire beaucoup de sport. Du ski, de la moto. Tu n'aimes pas la moto? Dommage. Parce qu'il va faire de la moto. Tant pis pour toi. Lui et moi, nous allons faire de la moto. Et toi, tu feras la sieste. D'accord? Tu vas faire du patin à roulettes, toi? Bon, c'est possible, puisque tu n'as pas de barbe. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Attention! Copyright 1994, Yale University.